La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Bienvenue dans l'émission La Malle de Sinbad. Aujourd'hui, nous poussons de nouveau les portes du comptoir des colonies pour retrouver Christophe Beaujou pour un deuxième épisode sur le café dans La Malle de Sinbad. Donc l'art de faire son café chez soi. De deux choses une. Si on est tout seul, si on est nombreux. Là. Après, si on est pressé ou pas. Bon, on est tout seul. L'extraction, bien sûr. Bon, l'expresso reste encore l'idéal parce que bon, on extrait vraiment le café proprement dit, le goût du café de manière intense de cette manière. Après, moi, je trouve que bon, même un vulgaire filtre. Je dis vulgaire, c'est pas péjoratif, mais un vulgaire filtre, si vous mettez un bon café avec une mouture assez très, enfin pas assez très fine, donc votre café va couler très doucement, donc il va infuser très lentement, bah, votre café sera aussi bon. Il n'y aura pas la mousse, il n'y aura pas la présentation, certes, mais bon, le goût sera là. Si vous mettez un mauvais café dans votre filtre, ne vous inquiétez pas, il sera mauvais. Et s'il est mauvais dans l'expresso, ben il sera toujours mauvais. Hein. Et il y a une grosse différence entre les machines expresso et les cafetières italiennes, par exemple? Ben, la cafetière italienne, il faut déjà qu'elle soit un petit peu culottée, il ne faut pas qu'elle soit neuve. Il faut qu'elle soit vraiment culottée et même chose, c'est une question aussi de mouture. Donc il faut bien choisir la mouture. Et à partir de là, faire chauffer son café de manière très lente, de manière à ce qu'il ne boue pas trop rapidement, et que que l'eau ait le temps de passer au travers du café lentement. Le plus lentement possible. Absolument. Et ensuite, le système pression, enfin bodum. Ben, même chose, là c'est une grosse mouture qu'il faut de manière à pouvoir presser le filtre ben, sans avoir à, comment dirais-je, à exercer une pression trop forte et puis pour avoir un bon café quoi. Alors justement avec la montée on va dire des, enfin les gens achètent beaucoup de machines à café en magasin maintenant parce qu'on a les petites dosettes tout ça avec beaucoup de pubs sur du très bon café. Est-ce que ça pose actuellement problème à votre entreprise ou pas du tout, ou les gens recherchent toujours pas du l'ambiance tout. Du moi j'ai rien café. On n'a rien vu, au contraire on a toujours une progression et le mode des capsules. Bon, moi je trouve personnellement que c'est quelque chose qui est pas mal. Ceci dit, après, reste à savoir ce qu'il y a dans les capsules. Maintenant, chaque maison de café se fait sa petite cuisine interne, avec des goûts plus ou moins, entre guillemets, rigolos. Ou réussis. Ou réussis. Après, tout dépend de la date à laquelle a été faite la torréfaction. S'ils ont un café qui a végété dans la capsule, même sous vide, vous savez, bon, à un moment donné, ça reste une matière grasse. Hein. On ne saura jamais à quel moment a été fait la torréfaction. Nous, si vous voulez, pour contrecarrer le phénomène capsule, des fabricants belges se sont lancés dans le domaine de la capsule à concevoir soi-même, à remplir soi-même. D'accord. Il y a à peu près 3 ans. Et du coup, on a adhéré à ce système. Et c'est pas mal. C'est que ce sont des petites capsules que l'on vend vide, qui sont bio en plus, enfin biodégradables. Elles sont fabriquées avec du maïs, d'amidon de maïs. Et ce qui permet aux gens d'avoir de faire ça, leur montage eux-mêmes. Ils achètent le café, bah, ils ont une torréfaction fraîche, mettent le café dans la capsule, le petit opercule terminé. Compatible avec les systèmes, notamment en espresso. Et ça plaît bien. Depuis c'est un bon compromis. Hein. Oui, c'est un bon compromis. On a lancé ça, nous, il y a 2 ans, et ça marche bien. Alors, du coup, j'étais obligé d'acheter une espresso. On va essayer. Et puis, ce qui m'a aussi permis de clarifier aussi la mouture. D'accord. Parce que, chaque café, on doit lui approprier une mouture bien particulière. Certains cafés sont plus gras que d'autres. Nous-mêmes, lorsque l'on moule le café pour le proposer à la consommation, on est obligé d'adapter la mouture à chaque origine de café. Et aussi en fonction du temps. Si aujourd'hui vous avez un temps sec, ensoleillé, la mouture sera différente que lorsqu'il y a un temps... Ça joue à ce point ? Oui, oui. C'est surprenant. Hein. D'accord. C'est surprenant. Surtout qu'à Dijon, effectivement, on peut avoir l'humidité aujourd'hui, vous avez du assez conséquente. On l'a vu tout de suite ce matin. Un cran de plus. C'est rigolo. Hein. C'est à ce point-là. Donc, il faut vraiment avoir une vraie connaissance du café pour torréfier correctement. La torréfaction, oui, ça s'improvise pas. Hein. D'accord. La torréfaction ne s'improvise pas. Là, on s'est un peu... On est revenu. On s'est un peu borné. Et alors, en ce qui concerne le café, cette fois-ci qu'on appelle soit turc, soit arabe, c'est-à-dire celui que l'on va faire dans on appelle ça une rakoué, par exemple, ou kanaka, donc un petit récipient en général assez évasé et qui permet donc d'avoir une montée lente du café et de le faire notamment mousser. On va utiliser quel type de mouture hein? Alors pour le café turc ou grec, enfin on dit turc, les Grecs proposent aussi. Oui, méditerranéen en fait. On peut dire, ce serait beaucoup et plus simple. La mouture doit être extrêmement fine, voire farineuse. Et puis, ils font leur petite cuisine. Ils font monter la mousse de manière assez longue. Et plus il mousse, plus il a passé de temps sur une source de chaleur, meilleur il est. Après, c'est une appréciation tout à fait personnelle, mais moi j'aime bien ce café-là. C'est original. Oui, moi aussi, justement. Alors, l'idée, c'est de retirer au fur et à mesure la mousse pour le refaire venir encore une ou deux fois. Puis on peut rajouter la cardamome, enfin des petits extraits. Hein. On fait sa petite popote exactement, soi-même. Exactement, exactement. Et on utilise là principalement des mochas. Oui, plutôt des mochas. Ça s'y prête assez bien d'ailleurs. préfère torréfier le matin parce que l'ensoleillement est différent. La luminosité n'est pas la même que l'après-midi. Bon, parfois, je suis obligé de, parce qu'il y a la demande un peu pressante, de torréfier l'après-midi, mais j'aime moins. Parce que surtout en hiver. Ça joue le soleil, la lumière. Oui, bien sûr, la lumière naturelle, je préfère. D'accord. Je préfère. Ça joue sur le café ou vous, vous préférez pour... Moi, je préfère et puis on se rend mieux compte de ce que l'on fait. Parce que tout est sur le feeling, hein, c'est moi. Et c'est pas une machine où on appuie sur un bouton et. Ah non, oula. Non, c'est pas comme ça. Non. Et puis le café continue de travailler même lorsqu'il ressort il tombe dans le refroidisseur. D'accord. Il continue de chauffer. Alors attention, vous avez certains cafés qui seraient presque brûlés. Ah ouais. Certaines origines, comme l'Haïti, comme enfin bon, on peut en citer, hein, le Honduras, le. Donc ils sont extrêmement sensibles, il faut. Absolument, oui. Tiens, une anecdote, c'est ce qui est rigolo aussi, c'est que bon, en tant que torréfacteur, de temps en temps, vous avez des personnes, on va dire d'un certain âge, qui viennent avec leur paquet de café vert. Alors, vous avez le paquet de café, une espèce de sac en papier. Mais on sent très usé. Bon ben voilà, j'ai du café, mais ça fait un moment que je l'ai. Est-ce que vous pourriez me le cuire ? Ah, vous en avez quoi ? Vous avez beaucoup ? Ben non, j'ai 2 kilos. Ah ben ça fait rien. Bon, on va le cuire quand même. C'est bon, même chose. Vous mettez 15, vous mettez que 2. Alors attention, ouais. La torréfaction, là, c'est pas pareil. Hein. Et donc vous baissez la température à tout niveau. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la questionner la personne jusqu'au bout. Mais quand vous dites, ça fait un moment, ça date de quand exactement ? Bah pour tout vous dire, c'était la dernière guerre. D'accord. Mais oui, parce qu'à cette période-là, les gens manquant de tout, ouais. Bah, ils avaient leur propre café. Et j'ai jamais trouvé de bon café. C'était toujours des robustas du petit grain, très, très sec, bien entendu. Et donc, du fait qu'il soit très sec, il faut y aller mollo au niveau des cuissons. Bien sûr. Ouais. Au lieu de torréfier à 150, 180, là on tombe à moins de 100 et on y va doucement quoi. Ouais. Et on surveille de très près, ça va très vite. Et ce qui est amusant aussi, c'est. Alors, bon, bien entendu, moi je vais le goûter, mais déjà rien qu'à l'odeur, je sais tout de suite ce que ça donne. Et très honnêtement, c'est pas des cafés terribles hein, en goût. Et je vois toujours la déception de la personne au niveau du goût. Et je leur dis toujours, oui, mais enfin, bon, aujourd'hui, parce que vous êtes habitué à boire un bon café, dans le temps vous manquiez de tout. Bon, en plus, il était peut-être... il aurait été meilleur s'il avait été torréfié à l'époque, quoique. Et il y a une date de péremption, justement, par rapport au grain de café ? Café vert, non. Pas du tout. Café vert, vous pouvez le garder 20 ans. Moi, par exemple, la torréfaction, là, lorsque je vous dis que j'achète aussi sur contrat ou lorsque l'opportunité s'en fait sentir, il y a certains cafés que je vais stocker en café vert. Là, à la torréfaction, j'ai des Jamaïcains donc, que j'ai acheté à une période un peu plus intéressante, un peu plus, on va dire, qu'à un moment donné, et que je torréfie notamment... lorsqu'il y a une demande ponctuelle ou alors aux périodes de fête pour ce café. Et le prix du café vert avec au kilo par exemple, c'est cher ou pas ? C'est cher. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre ça sur les journaux, sur la bourse, les matières premières. Et là, vous avez la bourse qui est cotée à Londres ou à New York en fonction de si c'est un Robusta ou un Arabica. Et la cotation est soit stagnante, soit très volatile en fonction des spéculations. D'accord, ouais, donc ça change. Et c'est à vous de vous couvrir au niveau des marchés sur les prix du café. Ouais. Parce qu'en fait, le niveau de production, lui, varie peu. C'est vraiment... Il y a les deux. Il y a la production, les gelées du Brésil, qui sont un thermomètre, si on peut dire, ou un baromètre. Et la spéculation pure et dure. Vous avez des spéculateurs qui vont aller soit sur le colza, soit sur le jus d'orange, où ils ont décidé de se mettre sur du café. Alors là, bon. Alors ça touche aussi les petits producteurs. Et bien donc, là, il arrive dans son sac. On va ouvrir le sac. on va dire, voir l'allure qu'il a. En règle générale, on sait qu'il a été bien sélectionné par l'importateur pour l'avoir vu auparavant en échantillonnage. Et au niveau de la torréfaction, eh bien, vous lancez la torréfaction, vous chauffez votre four, si vous voulez le savoir, à une certaine température. Une préchauffe avant de mettre le café. Une préchauffe, ouais. Voilà. Et vous versez dans l'entonnoir qui se situe dans la partie supérieure le café vert. Et lorsqu'il y a la préchauffe est aboutie, si vous voulez, eh bien, on verse le café dans un cylindre tournant de manière mécanique, électrique, triphasé. Un cylindre avec des pales à l'intérieur qui brassent le café. Et une rampe à gaz donc, qui chauffe ce cylindre à température constante, plus ou moins. Parce que plus vous cuisez votre café, plus la température va monter. C'est à vous de réguler. D'accord. De manière à ce qu'il ne crame pas à la fin. Et bien, lorsqu'il a atteint sa cuisson définitive, alors là, ça joue à quelques secondes près. Hein. Lorsqu'on a atteint le maximum de torréfaction pour cette origine, ou pour ce mélange, eh bien, on verse dans ce que l'on appelle le refroidisseur, qui lui est ni plus ni moins qu'un aspirateur, et qui va refroidir le café. Et dans ce refroidisseur, vous avez des pales tournantes pour brasser à nouveau le café, de manière à ce qu'il ne reste pas compact, qui va le brasser et le refroidir. Il faut qu'il soit continuellement brassé pour... Toujours, aussi bien au niveau de la, comment dirais-je, de la cuisson que du refroidissement. Du refroidissement, d'accord. Alors, même chose, vous avez beaucoup de manettes à utiliser pour le refroidissement. C'est que moi, lorsque je le verse dans le refroidisseur, au départ, il est de refroidi de manière très rapide, enfin refroidi, une aspiration très rapide pour récupérer les fumées, etc. Et après, on ralentit ce refroidissement parce que c'est là où on pourrait mettre le feu. D'accord, donc c'est qu'il se passe de manière interne dans l'appareil des systèmes de, comment dirais-je, de courant chaud qui vont plus ou moins dans les particules que l'on a récupérées dans le dessous et qui vont plus ou moins brûler aussi ces particules. C'est là où il faut être très vigile, c'est au niveau du refroidissement. D'accord. Donc c'est très technique. D'accord. C'est qu'il y a toujours les trois stades. Dans les trois stades, il y en a un qui refroidit, un qui cuit et un qui est en attente. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'aller dans un pays producteur de café pour voir justement un petit peu sur place, ne serait-ce que les producteurs, mais aussi pour voir comment on le consomme? Je pense par exemple à la manière éthiopienne de brûler de manière artisanale le café. Est-ce que ça vous est dit une fois, tiens, j'ai envie d'aller dans un pays producteur, voir comment il est consommé, ou quelles sont un petit peu les habitudes sur place, hein, par le hasard du tourisme également? Oui, bien sûr. Mais alors bon, souvent on est déçu. Ah. Enfin, on est déçu parce qu'on a nos propres goûts, modèle européenne. Moins déçu, le café dit dans le bassin méditerranéen, notamment dit à la Turque ou les Grecs. Moi personnellement, j'aime bien leur café. Après, je sais que dans mon entourage proche, c'était moins apprécié. Moi, j'ai apprécié, ma foi. Je suis allé deux fois en République dominicaine, où là, c'était plutôt des consommations, comment dirais-je, légères, comme au Mexique, où le café de manière très légère même. Sinon, en Colombie, ils ont de très bons cafés. Il y a deux types de cafés, Colombie Excelso, Colombie Supremo. On le voit de par la grosseur, la taille des grains et aussi par goût. Ils n'ont pas du tout le même goût les deux. C'est marrant. Lorsque vous dites, bah tiens, je bois un Colombien, oui, mais bon, il y a deux types de Colombiens. Toujours pareil. Nos Antilles, ma foi, ils ont des petites productions locales. Ils ont un bon café aux Antilles, Guadeloupe. Ils ont un bon café. Même chose, bon, ils n'exportent pas parce que les productions sont faibles. Trop petites. Parce qu'encore une fois, nous, on est obligé de passer par les importateurs. S'il fallait qu'on se fasse livrer du café de Guadeloupe, par exemple. Oui, les coûts sont absolument astronomiques. Voilà, on finirait un café à la tasse très cher. Qui serait bon, mais bon, pourquoi mettre si cher dans un café que l'on trouverait aussi bon sur d'autres origines? Le une autre anecdote. Il y a quelques années, il y a une dame qui vient, elle me dit « Oh, monsieur, est-ce que vous me permettez d'aller au-dessus, là, dans l'appartement au-dessus ?» Parce que j'ai habité là quand j'étais toute petite fille. Puis la mamie avait vraiment de la bouteille, je ne sais plus quel âge elle avait. « Mais c'est plus un appartement, madame. »« Ah bon ? Mais je peux monter quand même ?»« Ah oui, ben, je vais avec vous. » On n'avait encore pas ouvert le salon, là. Enfin, pas ouvert au public, là. Mmh. Et elle monte, elle me dit « Oh !» Elle me dit « Mais je ne reconnais rien. » Elle me dit « Mais figurez-vous que ma chambre était là. » Et j'ai dormi là, toute petite fille. Elle devait avoir 80 et quelques années. « Oh !» Ben, elle me dit « Ben, mon sang. » « Mais le parquet était déjà là ?» Ben, j'ai dit « Oui, ben, enfin bon, on va enlever les... » Elle me dit « Oh !» Ben, voilà, ben, j'ai dormi là toute mon enfance. Ah ben voilà, ben, maintenant c'est devenu ça. Oh ben alors, ben, je vais venir tant que je peux, ben, je viendrai prendre une consommation, un thé dans ma chambre. Ici. Dans ma chambre. Rigolo, hein ? Oui. C'était ça, une personne dijonnaise ou... Oui. Elle était née à Dijon. Je ne sais plus comment son nom. Sa famille, elle faisait partie des panépismes, je ne sais plus lesquels. C'était fut un temps, à un moment donné, mais il y a longtemps, ils ont dû vendre du pain d'épices ici. Parce que moi, avant la chemiserie Jean, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être D'accord. ça. Mmh. Peut-être ça. Parce que l'autre partie, avant, donc, c'était le glacier, donc Madame Viella. Avant, ça a été Campanini qui est venu que 2-3 ans. Et avant, c'était une fromagerie, fabriquer des fromages, dans les caves en dessous. Une voûte, d'ailleurs, qui est assez... humide, parce qu'il fallait une certaine hygrométrie. Et avant les fromages, vous avez rigolé, avant les fromages, c'était un torréfacteur. Ah bon ? Ouais. Qui s'appelait le Trick Track, parce que je suis ami avec son, on va dire, arrière-petit-fils, quoi, qui est parisien, là. Et c'est lui qui m'a raconté l'anecdote il y a quelques années. Le Trick Track. Le Trick Track, comme le jeu qui ressemble au backgammon, hein. Ça doit, alors, ça y a, doit être oui, lié peut-être. Il y a peut-être le jeu, mais lui me disait Trick Track parce que si on en revient à la torréfaction, il y a deux passages au niveau de la torréfaction. Lorsque votre café cuit, pardon, vous avez un premier craquement où là il y a un premier stade de cuisson et un deuxième craquement. Alors, l'art et la manière de torréfier le café, bah, c'est de cuire avant le deuxième craquement, bien entendu. Mais le craquement peut se faire dans le cylindre de cuisson ou au refroidisseur. D'accord. Et en fonction des origines, bon, bah, il intervient à un moment différent. Alors, l'anecdote, c'était, j'en reviens encore aux anecdotes, il y avait cette dame-là et une autre dame, même chose, il y a quelques temps. Quelques années sûrement, c'est bon, le temps passe vite. C'est pour le piano qui est en bas. Il y a un demi-queue qui est en bas, là, un Blüthner. Ce piano, il a été acheté chez Meunier. Oui. Chez Meunier. Il se trouve à côté de la place Zola. Oui, voilà, petite, ben, lorsque l'agrandissement a été fait, je suis allé voir Meunier. Je lui ai dit, ben voilà, je cherche un piano pour mettre là, mais je ne veux pas un piano neuf, je ne veux pas un piano. Ouais, pour que ça aille avec voilà, il faut que ça aille avec l'ambiance et tout. Et il me dit, oh, j'en ai un. Il n'est pas là, mais je sais exactement ce qu'il vous faut. Ah bon ? Puis bon, mais n'étant pas mélomane, enfin, ni connaissant rien en piano, j'ai ce qu'il vous faut. Revenez dans 15 jours. Aussitôt dit, aussitôt fait. Effectivement, quand j'ai vu le monument, j'ai dit, ah oui, il me plaît. Esthétiquement, vraiment très beau. La même chose. Il a une histoire, ce piano, enfin, il a une histoire, moi je ne la connais pas, mais il date des années 30 ou 40, je ne sais plus. Il joue très bien, il a un très très beau son, et parce qu'ici, il y a pas mal de musiciens qui viennent jouer. On laisse le libre choix à la clientèle pour jouer, dès lors qu'ils savent jouer, attention. Ouais. Parce que bon... Oui. Pour que ce soit agréable. Voilà, pour tout le monde. Et il y a de très bons musiciens qui viennent, notamment français ou étrangers. Je pense à notamment deux Américains connus dans le monde du piano qui viennent jouer lorsqu'ils passent. Et ils jouent un certain temps. Mm-hmm. Alors, souvent, ils viennent quand il n'y a pas trop de monde pour, pas, pour être pas un peu déranger, tranquille. Ouais. Hein, puis pour être tranquille. Et on le fait régler, donc. Enfin, on le fait accorder tous les ans. Monnier vient l'accorder. Puis il est sur son planning, il sait quand il doit venir ou lorsqu'il y a un problème. Mais bon, généralement, il tient bien. Et donc, pour en revenir à l'anecdote, même chose, une dame à un moment donné, une dame âgée, oui et non, aussi âgée quand même, et qui vient complètement perturbée, qui voit ce piano, elle dit « Mais c'est mon piano !» Oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Mais je le reconnais parce que le support de partition est un support pliel avec des morceaux cassés, à un endroit bien précis, et elle a reconnu son piano. Et elle me dit, oh, c'est le piano sur lequel je jouais dans mon enfance pendant la dernière guerre et tout. Oh là là, ah ben en effet. Et donc elle a reconnu son piano, elle a eu la larme à l'œil. Oh. Est-ce que vous me permettez de jouer? Madame, c'est votre piano. Allez-y, vous pouvez même jouer toute la journée, vous pouvez venir quand vous voulez. Et on l'a vu pendant un certain temps, après on ne l'a plus vu. Alors est-ce que cette personne a eu des problèmes de santé? Ou je ne sais pas, mais bon, mais elle n'était pas dijonnaise. Elle était pas dijonnaise. Donc c'est le hasard total qui l'a amené. Ah oui, complètement. À redécouvrir son piano. À retrouver son piano à cet endroit. Et ce qui est amusant, c'est que Meunier, lorsqu'il vient, à chaque fois, il me dit bon, le piano, je suppose que vous ne voulez pas me le revendre. Je dis mais pourquoi vous voulez me reprendre mon piano? C'est vous qui me l'avez trouvé. Mais il me dit oui, mais si vous voulez, il est peu répandu et j'ai une telle demande que. Ouais. Ben, je lui dis mais non. J'ai laissé notre piano, j'ai dit, pourquoi que vous voulez nous mettre à la place? Ah mais j'en ai d'autres. J'ai dit, non, vous laissez celui-là, il fait partie des meubles maintenant. Il restera là. Et puis il y a usage collectif, hein, c'est ça qui est beau. Et puis bon, s'il atterrit là, c'est que il y a une raison, à mon avis. La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture.